Bukeneza. Bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principaux titres. Les Burundais devraient se désolidariser avec toute haine et injustice. Un appel de l'archevêque de l'archidiocèse catholique de Bujumbura ce dimanche de Pâques à la cathédrale Regina Mundi, vous l'entendrez. Différents articles, dont des pagnes d'une valeur de plus de 20 millions de francs burundais, ont été volés la nuit du vendredi à samedi par des personnes non encore identifiées dans une boutique sur la colline Gatemba, en commune Vianda de la province Bururi. Vous entendrez le reportage de Zenon Nzambimana. Grogne des vendeurs du bétail au marché de Kayanza, qui s'indignent qu'ils sont obligés de payer des taxes communales, même quand le bétail n'a pas été vendu. Et dans la chronique nutrition de ce dimanche, nous parlons de l'euphorbia hirta, qui est une plante utilisée en médecine traditionnelle pour traiter certaines infections. Albert Ndouayo assure la mise en onde. Voilà pour le sommaire. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Célébration ce dimanche 20 avril de la résurrection de Jésus-Christ au cours de son homélie, à la cathédrale Regina Mundi. Monseigneur Gervais Banchimiyubusa, archevêque de l'archidiocèse de Bujumbura, a appelé les Burundais à se désolidariser avec toute haine et injustice. Il a en outre appelé les communautés, des organisations et des partis politiques à ne pas mettre en avant leurs intérêts dans le but d'écarter les autres. Suivez-le dans cette traduction française de Jean-Claude Niomukiza. Twese turabona mu gihugu cyacu ibintu bishobora kuba bitugora nkumbure bivuye kugwangara kwacu nkumbure bivuye kube gito bwa. Dans notre pays, nous voyons tous qu'il y a certaines imperfections, peut-être dues à notre laisser-faire, peut-être dues à notre faiblesse. Que cette Pâque soit un premier jour de reconversion pour que nous soyons des vecteurs de changement et servir de modèle afin de vivre pacifiquement. Évitons toute haine, toute injustice dans la vie, quels que soient les aléas. Gardons le courage et la volonté de défendre la vérité, la justice, l'amour et la réconciliation, parce que ce sont ces seules vertus qui conduisent à une vraie victoire, car celle-ci ne nuit à personne et n'écarte personne. Ainsi donc, que ce soit dans la communauté, dans les organisations ou au sein des partis politiques, évitons de faire partie du groupe des égoïstes, des haineux, car cela pousse les uns à ne chercher que du mal pour les autres. Que personne ne prenne ce chemin des ennemis de Jésus qui avait tout fait pour le faire tuer. Des fois, nos propres intérêts nous poussent à l'envie d'écarter les autres et cela est contraire à la résurrection de Jésus. C'est un signe que nous sommes encore liés au mal que nous n'avons pas encore traversé. Que Dieu nous aide dans cette traversée. Comme des chrétiens baptisés, que notre modèle soit Jésus. Parce qu'il a su garder amour et pitié pour tous, raison pour laquelle le Père l'a ressuscité le troisième jour. Christ est vivant. Des vendeurs du bétail au marché de Kayanza grognent qu'ils paient des taxes même quand son bétail n'a pas été vendu. Ils demandent que les taxes soient payées seulement quand le bétail a été vendu. Habimana Anis est responsable du service de recouvrement des taxes et impôts en commune Kayanza, indique que le recouvrement se fait au marché du bétail de Kayanza car il est fort difficile de distinguer le bétail acheté et celui qui n'a pas été vendu et qui est retourné à la maison par le propriétaire Patrick Nsengiyumva. Le marché du bétail de Kayanza se trouve en face du stade de Gatwaro. Chaque vendredi, les vendeurs et les acheteurs des vaches, des chèvres, des moutons et des porcs se rencontrent à ce marché. Ils doivent payer des taxes communales pour chaque animal qui entre dans ce marché avant sa sortie. À une tête de vache, on doit payer 5000 francs, 1500 francs pour une chèvre et une somme de 2000 francs pour un porc. Les vendeurs de ces animaux se lamentent comme quoi ils sont obligés de payer ces taxes même quand ils ont manqué l'acheteur. Nous payons des taxes même quand nos animaux n'ont pas été vendus. On veut amener le bétail au marché et on ne trouve pas l'acheteur de retour à la maison alors que tu n'as pas eu l'argent. Voilà, on te demande de payer les taxes communales alors que nos animaux n'ont pas été vendus. L'État devrait nous faciliter la tâche. On peut par exemple présenter notre bétail avant d'entrer dans le marché et comme ça, quand il n'a pas été vendu, on ne pourra pas nous faire payer les taxes. On a une chèvre et on manque l'acheteur même pendant 5 fois et chaque fois nous payons des taxes et nous perdons beaucoup. Nous demandons que si notre bétail n'a pas été vendu, nous les commerçants, nous sommes connus et on peut même présenter nos animaux aux agents de recouvrement des taxes. Et quand ils n'ont pas été vendus, on pourra nous épargner de payer les taxes. Nous perdons beaucoup car chaque fois que l'on manque l'acheteur, on est obligé de payer les taxes. Je suis venu acheter du bétail. Les prix ont beaucoup monté. Et le pire, c'est qu'on demande de payer les taxes pour nous les acheter. Contactez Associé Abimana Anissé, responsable du service de recouvrement des taxes et impôts en commune Kayanza. Celui-ci nous a fait savoir que la décision de faire payer les taxes de cette manière a été prise les derniers jours car il était difficile de distinguer celui qui a vendu son animal et celui qui n'a pas trouvé l'acheteur. Celui qui n'a pas vendu son bétail ne devrait pas payer les taxes. Mais les derniers jours ou les dernières années, on a pris la décision qu'ils doivent tous payer les taxes car tout le monde disait que son bétail n'a pas été vendu et on avait du mal à distinguer celui qui a vendu son animal et celui qui n'a pas trouvé l'acheteur. La situation se présente ainsi. Signalons que le marché du bétail de Kayanza fait entrer dans la caisse communale une somme variant entre 4 et 5 millions de taxes sur le bétail chaque vendredi de la semaine. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimva pour la radio Isanganiro. Merci Patrick. Quittons Kayanza et rendons-nous en province de Bururi où différents articles dont des pagnes d'une valeur de plus de 20 millions de francs burundais ont été volés la nuit du vendredi à samedi par des personnes non encore identifiées dans une boutique de la colline Bgatemba en commune Vzanda de la province de Bururi. Au moment où de tels cas de vol avaient été signalés également en moins de 2 semaines dans les localités de Ndebe et Wikoma de cette commune, les victimes demandent des enquêtes approfondies pour que des présumés auteurs soient traduits en justice. Zenon Nzambimana. L'épargne, les chaussures et d'autres articles d'une valeur de plus de 20 millions de francs burundais ont été volés la nuit de vendredi à samedi dans une boutique tout près de l'église de Pentecôte sur la colline Bwatemba en commune Vianda de la province de Bururi, selon les sources sur place. Les auteurs de ce vol qui ont ouvert la porte de cette boutique et qui l'ont également fermée après le forfait ne sont pas jusqu'ici connus car même un veilleur qui dormait à côté de cette boutique dit qu'il n'a rien entendu selon un membre de la famille victime. Deux autres cas de vol dans les boutiques avaient été également signalés à moins de 2 semaines dans les localités de Wikoma sur la colline Gitwaro en zone Binyuro et Ngere sur la colline Kagoma en zone Gweza de cette même commune. Là aussi, les auteurs n'ont pas été également identifiés selon les sources administratives dans cette commune. Les victimes dans toutes ces localités demandent des enquêtes approfondies pour que les auteurs soient traduits en justice et punis conformément à la loi. Le secrétaire exécutif et permanent de la commune Vianda confirme qu'il a été déjà informé sur ces cas de vol et conseille aux commerçants d'engager des veilleurs pour ceux qui n'en ont pas. Jean-Marie Vianney Ndouayezu appelle la population de la commune de Vianda à veiller pendant la nuit et surtout à redynamiser les comités mixtes de sécurité pour que les auteurs de ces cas de vol soient traduits en justice et punis conformément à la loi. Cette autorité administrative confirme que la police a déjà commencé les enquêtes sur ces cas de vol. Dopi Bururi, Zenon Zabimara pour la radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Poursuivons cette édition. Une centaine de maisons en briques non couvertes des batois des communes Ruhororo et Ngozi en province Ngozi sont menacées d'écroulement suite aux pluies qui tombent ces derniers jours. Les représentants de la communauté batois indiquent qu'après la sensibilisation sur l'élévation des murs en vue d'avoir des tôles, les maisons qui n'ont pas été couvertes commencent à s'écrouler. Ils demandent au ministère de la Solidarité de leur octroyer des tôles pour leurs maisons. La direction provincial en charge du développement familial et social indique que le ministère de la Solidarité a déjà couvert plus de 400 maisons l'année dernière en Ngozi, ce qui doit continuer selon la disponibilité des tôles. Apollinaire Mouzagara. Comme le disent ces batois, des séances de sensibilisation sur l'élévation des murs, quitte à leur offrir des tôles, ont eu lieu. Selon Désiré Bukayeneza de l'association ADP, Gabriel Ndouaïo de l'Uniprouba à Rororo, bon nombre de ménages batois ont répondu à cet appel. Pourtant, 40 maisons de la seule colline Nyamugari en commune Rororo restent sans tôles d'après Gabriel Ndouaïo. Dans différentes zones de la commune Ngozi comme Mivo, Mubuga, Makaba et Mugomera, c'est plus de 90 maisons non couvertes. Pour éviter la démolition, elles sont couvertes provisoirement par des herbes ou des bâches d'élabres. S'ils sont déjà tombés, selon Désiré Bukayeneza, nous, il demande au gouvernement de tôles pour éviter que d'autres partent. Le directeur provincial en charge du développement familial et social, Ngozi, donne le bilan de 470 maisons couvertes l'année passée dans cette province. Selon Romain Dagabga, le gouvernement, via le ministère en charge de la solidarité nationale, ne peut pas venir en aide en même temps tous les vulnérables de son pays. Il demande par conséquent de la patience et tranquillise que même ces derniers seront touchés au fur et à mesure que les tôles arrivent. Donc aussi, Apone Mouzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire. Sport à présent, multiplier les compétitions d'athlétisme dans les associations réparties à travers quatre régions du Burundi. Tel est le projet prioritaire qui sera mis en œuvre par le président de la Fédération burundaise d'athlétisme. Ambassadeur Dieudonné Kwizera l'a dit ce samedi, après être réélu par l'Assemblée générale pour un mandat de 4 ans. Il a également précisé qu'il va renouer des relations avec le Comité national olympique qui s'était dégradé lors des récents Jeux olympiques de Paris. Suivez-le. Mon programme est déjà en cours. C'est de multiplier des compétitions au niveau des associations, au niveau des quatre régions qui représentent la Fédération d'athlétisme du Burundi, c'est-à-dire la région sud, la région nord, est et ouest. Mais comme vous le savez, pour y parvenir, il faut des moyens. Les innovations que j'ai apportées les dernières années étaient d'amener les compétitions au niveau provincial, chose que j'ai réussi, des compétitions au niveau des associations, chose que j'ai réussi, et des compétitions au niveau national, chose aussi que j'ai réussi. Ce que je vais faire, c'est ce que j'ai déjà commencé à faire, c'est de chercher des moyens pour multiplier des compétitions et donner une chance à nos athlètes de se mesurer le plus souvent. Mais aussi de multiplier des stages, des formations pour les jeunes entraîneurs, mais aussi des ateliers de formation de mise à niveau des nouveaux entraîneurs. En gros, c'est ça les objectifs. Il faut plus de compétitions au niveau national pour détecter les talents. Une fois détectés, on va les orienter. Une fois orientés, ils seront peut-être parmi ces jeunes filles et jeunes hommes qui vont nous représenter au niveau international comme nous l'avons fait nous-mêmes. Très récemment, lors des Jeux olympiques, il y a eu la mésentente entre le Comité national olympique et la Fédération burundaise d'athlétisme. Qu'est-ce que vous comptez faire pour collaborer avec le Sénat gravement ? C'est vrai, il y a eu des mésententes, comme vous venez de le dire, parce que nous, en tant que représentants de la Fédération d'athlétisme du Burundi, c'est à nous de choisir nos athlètes. C'est à nous de choisir les entraîneurs qui accompagnent les athlètes. Ce n'est pas au Sénat. Parce que les athlètes nous appartiennent, c'est nous qui les détectons, c'est nous qui les connaissons. Je pense que ce mésentente ne reviendra pas parce qu'il revient à la fédération de gérer ses propres athlètes. C'était ambassadeur Dieudonné Kwizera, président de la Fédération burundaise d'athlétisme, au micro de Jean-Marie Vianney Ngendakoumane. Radio Isanganiro, chronique nutrition. L'Euphorbia hirta est une plante utilisée en médecine traditionnelle pour traiter des infections gastro-intestinales, respiratoires et hépatiques. Selon Gilbert Nanwafi, chercheur nutritionniste, cette plante peut également traiter des maladies de la peau et autres. Chronique et nutrition avec Jean-Marie Mayong. Euphorbia hirta est une plante herbacée qui a une tige de 30 cm de hauteur avec abondant poilus jaunâtres. Cette espèce est utilisée dans la médecine traditionnelle. Euphorbia hirta est une plante utilisée contre les troubles respiratoires, notamment l'asthme, la bronchite. Selon Gilbert Nangwafi, chercheur nutritionniste, cette plante est également utilisée contre le mucus nasal et la gorge. Selon ce chercheur, Cette plante est aussi utilisée pour traiter les maux de ventre et des diarrhées. C'est une plante qui prévient et qui combat l'asthme, les troubles respiratoires, l'hypertension artérielle, le diabète, l'inflammation, la dépression, la faiblesse rénale, les troubles hépatiques, etc. Quant à sa préparation, on peut faire bouillir les écorces dans un litre d'eau et prendre 15 minutes avant de consommer sous forme de tisane ou du thé. Concernant sa préparation, on peut l'utiliser sous forme de tisane surtout, en prenant les 2 cuillères à soupe, en les mettant dans une tasse d'eau chaude, tasse d'eau, 1 demi-litre d'eau chaude, buvez comme du thé et la durée dépend de la gravité de la maladie. Euphorbia hirta, originaire d'Australie, cette espèce est actuellement très répandue dans toute l'Afrique de l'Ouest et au Burundi, cette plante est présente dans différents coins. L'Euphorbia hirta ou Euphorbia prolifera en Afrique aura rencontré surtout à Madagascar, au Burundi, mais aussi dans d'autres pays africains. Mais les deux pays comme j'ai de cité, ce sont les deux pays qui connu très longtemps en Afrique cette espèce de plante. Euphorbia hirta, une plante à fleurs et les racines utilisées en médecine. Elle est également utilisée sous diverses formes pour traiter de nombreuses affections, en particulier gastro-intestinales, cardiaques et génitales. Jean-Marie Mayonga, et c'est par cette chronique que nous bouclons ce journal. Albert Ndouayo a assuré la mise en onde. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Alain Désiré, Bukeneza.